Chapitre deuxième. Ma foi, tant pis, se dit Borin. Je ne vais pas me mêler d'apprendre à ma voisine qu'elle a pris justement la chaise de Madame Clive Wetter. Ce n'est pas mon affaire. Sans compter que si c'était une gouvernante ou une femme de chambre au service de cette dame, de quoi aurais-je l'air? Mais non, corrigea-t-il après un nouvel examen. Elle est beaucoup trop jeune, et puis elle n'a pas le physique de l'emploi. Quand elle parlait à ces personnes qu'on ne voyait pas, c'était pour donner des ordres et non pour y répondre. Les nurses, les gouvernantes, c'était les autres et non pas elle. Elle aura pris la chaise de Madame Wetter tout bonnement parce que c'est une des dernières libres, et elle sait très bien qu'elle s'expose d'un moment à l'autre à en être délogée. C'est ce petit désagrément que Boyne aurait justement souhaité lui épargner. Joyce Wetter, la Joyce qu'il avait connue, céder sa chaise sans bataille, il ne voyait pas ça. « Excusez-moi, mais si quelqu'un venait réclamer cette chaise, voulez-vous me permettre de vous en chercher une autre avant que toutes les places du premier rang soient occupées ?»« Je me suis trompé de chaise. »« Mais non, c'est bien la mienne. » Et les yeux noisettes sous leurs longs cils pareils à ceux de Blanca s'attardèrent dans un regard de gratitude polie. Mais Boyne, médusé, s'enfonçait dans ses réflexions. « Alors, voyons, Madame Clive Wetter, cet enfant ?»« Mon Dieu, après tout, pourquoi pas ?» Ce n'est plus la mienne, évidemment, mais par ces temps d'unions éphémères, on ne s'étonne pas pour si peu. Le ménage Wetter que Boyne avait connu devait dater environ d'une vingtaine d'années, et depuis ce moment-là, Clive Wetter avait eu le temps de faire assez d'argent pour s'offrir une demi-douzaine de divorces et de remariages avec tout le tremblement. Mais oui, sa voisine ne pouvait être qu'une nouvelle Madame Wetter, la dernière Madame Wetter. Probablement le numéro 2 ou le numéro 3 depuis la pauvre Joyce. D'ailleurs, pourquoi pauvre Joyce, puisque celle-ci, suivant toutes les apparences, avait dû se mouvoir sur l'échiquier matrimonial avec autant d'aisance et de rapidité que son premier mari. Enfin, au bout du compte, si c'est réellement une Madame Wetter, pensa Boyne, rien ne m'empêche de me présenter dans son champ visuel comme un vieil ami de son mari. Prétexte plus que suffisant pour justifier des relations dans une croisière d'agrément. Toutefois, la froideur de Terry quand il lui avait parlé de son père lui revint à l'esprit et ce souvenir le rendit perplexe. Le mariage moderne est un labyrinthe plein de pièges pour qui revient de loin. L'apparition de Blanca trancha l'hésitation. Elle arrivait d'un pas dansant comme un papillon qui flotte sur un parterre de thym. Et Boyne entendit sa voisine interpeller d'un ton sévère la nouvelle arrivante. « Chérie, tu n'as pas ton manteau. Va tout de suite le demander à Scopy, la brise est fraîche. » Blanca se pencha sur elle d'un geste caressant. « Oui, j'y vais. » Mais au lieu d'obéir, elle planta son regard sur Boyne. « Ce monsieur dit qu'il connaît papa, » ajouta-t-elle. Boyne sentit un instant se poser sur lui avec surprise le regard de sa voisine, mais déjà, elle ne faisait plus attention à lui. « Blanca, je te répète d'aller mettre ton manteau et occupe-toi de voir si Terry a le sien. » « Ne t'appuie pas sur moi ainsi. Tu vois bien que Chip dort. » Elle parlait d'un ton las et un peu irrité, mais en se penchant sur le petit, son mince profil s'adoucit et se teinta d'une expression puérile et touchante. « Chut !» fit-elle, et la petite, obéissante, se retira sur la pointe des pieds. « Oncle Édouard, patron des aventures, » pensa Boyne, et il risquait un compliment enjoué. « C'est merveilleux comme vous tenez tout ce petit monde-là en main. » Elle sourit. « Oh, ils sont très gentils tous, excepté Ginny !» s'écria-t-elle, et Boyne, suivant son regard horrifié, aperçut un robuste petit corps, à peu près nu, surmonté d'une tignasse orange, un collier d'ambre autour du cou, qui cabriolait de leur côté à l'émerveillement et la joie de la double rangée de chaises longues. En un clin d'œil, la jeune femme fut debout, et Boyne recevait dans les bras un paquet parfumé au savon d'iris. « Tenez-moi, Chip !» ordonna-t-elle. « Oh, l'affreux petit diable rouge !» Elle courut, rattrapa la petite tête orange et se mit à la secouer d'importance. « Quand tu te seras enrhumée, petite peste !» lui dit-elle, pour toute semonce, comme si c'était le pire qu'il eût à lui reprocher. Et ayant poussé la criminelle dans les bras d'une nurse lancée à sa poursuite, elle regagna sa chaise longue. « Comme vous l'avez bien tenu, il ne s'est pas réveillé !» Elle reprit le paquet tiède, à demi dénoué, et sentant le sommeil. À présent, le regard qu'elle tourna vers Boyne était plein d'une intimité confiante. Vous aimez les bébés ? Dit-elle. Oui, mais je n'en ai jamais vu de si gentil, ni de si lourd. Elle rayonna d'orgueil. N'est-ce pas ? On en a sa charge. Il pèse 1 kilo de plus qu'un enfant de 2 ans. Quand Beachy avait le même âge. Beachy, interrompit Boyne, tout à l'heure vous disiez Zinny. Zinny, c'en est une autre. Elle se mit à rire de l'air amusé d'un enfant qui s'égaye de l'ignorance des grandes personnes. Beachy, voyez-vous, c'est une D, mais vous ne connaissez pas les autres, ajouta-t-elle, et je me demande même où ils peuvent bien être passés. Les D, répéta-t-il au comble de l'ahurissement. Oui, les demi, Ben et Beachy. Ils ne sont qu'à moitié des nôtres. Zinny aussi. Ce sont des demi-frères, enfin de la belle famille. Mais nous les aimons tout autant que si c'était des vrais. Excepté quand Ben fait le méchant. C'est le seul qui me donne du mal. Tenez, reprenez Chip, s'écria-t-elle. Et Boyne se vit de nouveau sur les bras, le petit tas de sommeil rose. Le voyez-vous, ce Ben qui fait encore des siennes, comme chaque fois qu'il est tout seul. Et on vit, au même moment, un vigoureux petit gars en jumper écarlate, qui s'avançait à 4 pattes en émettant force grognements et rugissements d'animaux. Il joue encore à la ménagerie. Quel malheur! Et le bateau qui roule, il se cassera la tête. Sa mère était dompteuse. Mais il va se blesser, c'est sûr. Scopy, enlevez-le! Une espèce d'échalas femelle, le visage taillé à coups de serpe, avec une expression de bonté résolue et un chapeau de paille fané planté de travers sur un chignon gris en coup de vent, venait d'apparaître dans le sillage de Bun et le remettait sur ses pieds aussi solidement que le permettait le roulis. Le visage du gamin, noir de rage, se fendit comme pour hurler. Mais au même moment, un petit bout de fienne brune, avec d'immenses yeux d'agate et une broussaille noire et crépue, jaillit d'un salon de luxe et se précipita vers lui, les bras ouverts. Instantanément, sa colère fondit en larmes, et les deux petits tombèrent dans les bras l'un de l'autre avec des gestes dramatiques, pendant que la gouvernante, indifférente à cette explosion de sensibilité, la faisait retraiter sévèrement dans leurs appartements. La voisine de Martin Boyne se renversa sur sa chaise longue avec un accès d'euphorie. « N'est-ce pas qu'elle est comique ? Elle ne peut pas supporter ce genre d'embrassade. Elle trouve que ce ne sont pas des manières de chez nous. Pas de chez nous, les pauvres. Bien sûr, ce sont des Italiens. Mais la petite a beaucoup d'empire sur son frère. C'est heureux. Sans cela, il faudrait y renoncer. » Et elle serra sur son cœur le bébé ivre de sommeil. Ça doit être bien fatigant, même sans bonne, risqua Boyne, qui grillait de voir clair dans ses ténèbres et de démêler cet imbroglio de frères et de sœurs, de demi-frères et de demi-sœurs, pour éclaircir l'état civil de la singulière petite personne assise à son côté. Voyager avec toute cette smala. Et Water, qui n'est pas là pour vous aider ? Elle leva imperceptiblement les épaules. Oh, il n'est pas d'un grand secours. Cela l'horripile de voyager en famille. Mais il y a Terry qui m'aide. Et un sourire maternel se joua sur son visage, ce petit visage si mobile où il se passait tant de choses que Boyne n'avait jamais le temps de décider s'il était joli ou seulement amusant. « Terry, mon voisin de cabine ?» dit Boyne en souriant. « Un bonhomme comme lui doit être un réel appui. » Il n'osa pas dire un fils, parce qu'il ne pouvait se résoudre à croire qu'une enfant comme sa voisine fût déjà la mère d'un gamin de l'âge de Terry. Ne sachant trop que dire, il ajouta « À cet âge, un petit homme est toujours fier de sa maman. » La jeune femme parut réfléchir. « Ma foi, » dit-elle, « je ne sais pas si Terry est fier de Joyce, mais il l'aime, bien sûr, comme nous tous. Elle est tellement belle. Je ne crois pas que même Blanca puisse un jour l'égaler. » « Joyce. » Ce nom fut pour Boyne une bouée de sauvetage. C'était clair. Joyce Mervyn, son ancien flirt, errait encore quelque part dans le dédale de l'énigme Water. Oui, mais où ? Et cette petite qui appelait froidement Joyce par son petit nom ? Ainsi, ce qu'il avait pris pour un trait de lumière ne faisait en réalité qu'accroître l'obscurité. Savez-vous que Joyce, comme vous dites, a été une grande amie à moi il y a de cela très longtemps ? Vraiment ? Il paraît que Blanca est le portrait de ce qu'elle était à ce moment-là. Trouvez-vous ? Dame, elle a un peu épaissi, mais tout de même pas autant qu'elle croit. C'est son idée fixe, vous savez, ça la rend très malheureuse. Boyne se mit à rire. Si elle n'a pas de plus grand malheur. Mon Dieu, non, du moins plus maintenant. Depuis la naissance de Chip, ça a été une seconde édition de Lune de Miel, n'est-ce pas, mon vieux Chip ? Une seconde, une lune de miel, depuis Chip. Alors ce chérubin, ce n'était pas l'enfant de cette jeune voisine, c'était celui de Joyce Mervyn ? Non, de Joyce Water. Enfin, de Joyce je ne sais pas quoi. Ah, pour Dieu, Joyce qui ? Ce dernier pas venait d'amener enfin le voyageur au cœur du labyrinthe. Il ne restait plus qu'à en sortir. Décidé à trouver le mot de l'énigme, Boyne insista. « Oui, Joyce a été une grande amie à moi, une très grande amie pendant tout un hiver. »« Tout un hiver, c'est bien long pour Joyce. »« De sorte que je peux me permettre sans doute de me présenter, Martin Boyne, et de vous demander... » À cet instant, un cri lui coupa en deux sa phrase, et il aperçut le jeune Bunn, qui s'avançait pieds nus avec une agilité de chat sur les dossiers du premier rang de chaises, dont les occupants plongeaient la tête à mesure à son passage en riant de son adresse. C'est que sa mère aussi était une équilibriste. Quelle pitié ! Jeta la jeune femme en se précipitant vers Bunn. Puis, l'ayant saisi et corrigé, en redoublant la correction pour le punir de ses cris furieux, elle entraîna l'enfant du côté du gendarme femelle et mal coiffé qui, déjà tout à l'heure, s'était occupé de lui. En retournant s'asseoir, pâle et un peu essoufflée, elle donnait l'impression que vraiment quelquefois elle en avait par-dessus la tête. Elle s'écroula auprès de Boyne avec un grand soupir. « Si jamais vous vous mariez... »« Tiens, » se dit Boyne, « comment sait-elle que je ne le suis pas ?»« Je vous conseille de n'avoir pas d'enfant. Non, vraiment, je n'ai pas de meilleur avis à vous donner. On comprend que papa et maman ne tiennent pas à voyager avec un pareil cirque. »« Papa et maman ?» Boyne ne douta plus. Décidément, sa voisine était une jeune fille.